Radio Notre-Dame, la vie prend un sens. Merci de votre fidélité à Radio Notre-Dame. Très belle matinée à tous. Prochain point sur l'information, ce sera à 8h avec le Flash Info et à 8h30 avec l'actualité internationale dans le journal de Radio Vatican. Je vous rappelle que tous nos programmes, nos émissions et nos chroniques sont disponibles sur notre site internet www.radionotredame.com. Comme tous les matins, votre rendez-vous à 7h35, le grand témoin présenté par Louis Dauphresne. Le grand témoin, Louis Dauphresne. Puisque la langue est le vêtement de la pensée, selon Antoine de Rivarol, on va s'habiller chaudement ce matin et mettre même plusieurs couches. Le français grâce auquel nous comprenons nos paroles, puis le latin et le grec grâce auquel nous comprenons, mais nous comprenons surtout notre univers. En cette semaine consacrée à la langue française, nous allons mettre les anciens à l'honneur. Et j'ai bien dit les anciens, pas les langues mortes, mais bien les langues anciennes. Et se poser des questions simples. Ont-elles un avenir ces langues? Le grec et le latin ont-ils un avenir? De la réforme de l'orthographe à celle du collège, ils méritent un peu de considération et surtout de compréhension. Et notre grand témoin va nous y aider ce matin. Pierre Judet de la Combe, bonjour. Bonjour. Vous êtes helléniste, directeur d'études à l'EHESS. L'avenir des anciens aux éditions Albin Michel, osez lire les Grecs et les Latins. Une première considération, Pierre Judet de la Combe, est-ce que cette réforme du collège est lisible? Qu'est-ce que l'on doit en retirer? Est-ce que vous pouvez déjà nous expliquer en quoi le grec et le latin sont aujourd'hui en danger? Oui, cette réforme est lisible, même si elle évolue. Donc c'est une réforme des collèges, couplée d'une réforme des programmes, mais une réforme donc de l'institution même. Et l'idée, c'est de lutter contre l'inégalité, mais surtout contre l'échec scolaire, qui, comme on sait, est gigantesque en France. Ça, c'est un des grands, grands problèmes de l'école. Et donc pour ça, le ministère, avec ses conseillers, a décidé de faire la chasse à tout ce qui était en fait inégalitaire et qui prenait trop de moyens. C'est d'abord le latin grec, qui ne sont plus une discipline, c'est-à-dire une option que l'on peut prendre à partir de la cinquième, mais qui deviennent une possibilité d'enseignement donc qui sera prise non plus dans le tronc des importants des études, mais dans des enseignements accessoires, des enseignements qu'on appelle pratiques interdisciplinaires, pris sur les heures des autres disciplines, qui elles restent, pour faire des choses beaucoup plus ouvertes, donc de la civilisation notamment, des faits. Et alors, la ministre a accepté quand même à côté de ces enseignements, donc qui sont organisés par plusieurs enseignants, plusieurs professeurs, il y ait quand même un maintien pour quelques heures, mais moins que ce n'a existé, de l'enseignement technique, c'est-à-dire de la langue grecque et de la langue latine. Mais c'est réduit. Alors, le problème, c'est que donc on n'a plus un enseignement véritablement cohérent, donc on perd des heures. Et surtout, c'est qu'on réoriente ce qui était passé pour rébarbatif, pénible, avec les déclinaisons latines, les imparés syllabiques et tout ça, et les déclinaisons grecques. Donc, surtout un enseignement non pas de l'histoire, mais de la civilisation, des faits, donc des choses qui sont plus sympathiques, on peut dire, plus faciles. Moins besogneuses. Et comme ça, on lutte contre les inégalités. Alors, il y a eu la même chose pour les classes bilangues. Donc, on apprenait efficacement donc, les deux langues vivantes à partir de la sixième. Et là, il y a eu un recul. C'est-à-dire que sur quelques académies, dont Paris, donc ces classes bilangues qui étaient considérées comme privilégiées sont gardées. C'est-à-dire le ministre a reculé sur les classes bilangues, pas sur le latin grec? Non, pas sur le latin grec. Il a un peu reculé au sens où au départ c'était simplement un enseignement, alors pas optionnel justement, mais qu'on faisait en plus, qu'il fallait donc organiser comme les responsables d'un établissement pouvaient le faire, en piochant ici ou là dans les horaires qu'ils avaient à leur disposition, donc à accepter ces enseignements de complément quand même qui ont été rajoutés cet été. Mais je veux dire, ça devient une... Même s'il n'y a pas l'intention de tuer le latin et le grec, mais il y a quand même l'intention de les marginaliser. Et surtout, ça devient, on a beaucoup de témoignages de la part d'un enseignant que j'ai rencontré, ça devient quasiment infaisable, extrêmement compliqué de permettre un enseignement continu, comme ça se fait maintenant. Alors c'est vrai que maintenant ça existe, le latin est resté en France un enseignement de masse, puisque c'est à peu près de 20% des élèves. Et ensuite... 20% des élèves font du latin. Font du latin. Alors le grec, c'est beaucoup moins. Ils attaquent en sixième. Alors ils attaquent non en cinquième, mais après, ça disparaît. C'est-à-dire qu'au lycée, il y en a beaucoup... Enfin, ça disparaît pas entièrement, ça disparaît beaucoup, beaucoup moins, parce que c'est moins payant vis-à-vis du bac, que c'est souvent mis à des horaires difficiles, etc. Mais alors, comme par ailleurs, des statistiques montrent que les classes favorisées, comme on dit, choisissent plutôt le latin, donc là, il y aura un marqueur social presque d'infamie. Mais on sait que dans, là, c'est un point important, et beaucoup d'enseignants en témoignent, que dans les quartiers difficiles, ou même dans les zones de campagne, c'est-à-dire des zones d'exclusion, eh bien, le latin et le grec, qui sont aussi quand même des langues muettes, c'est-à-dire des langues que personne ne parle, sont des langues qui sont extrêmement efficaces pour donner aux élèves le goût de la langue. Pas seulement du latin, du grec, mais de l'analyse de la langue. Donc c'est soi. Un vecteur de promotion voilà. intellectuelle en et sociale. En fait, oui, c'est vrai un instrument de libération. Et donc et là, il y a une idéologie égalitariste basée sur une mauvaise sociologie. Je dirais, j'ai rien contre la sociologie, Dieu sait. C'est du Bourdieu mal digéré. C'est du Bourdieu qui, lui, est donc connaissait très bien ses classiques, très très mal digéré. Donc ça, malheureusement, et donc on n'a pas vu la valeur émancipatrice de cet enseignement qui aussi doit se réformer, parce que c'est vrai. Qu'on a enseigné parfois le latin et le grec de manière sadique, donc ce sont des pièges, tout ça. Non, là, mais on peut transformer ça en chose beaucoup plus vivante et utile en réalité. On va en parler naturellement, Pierre Judet de Lacombe. Mais alors, encore une question, si vous le permettez, sur ce point, pour que ce soit bien clair dans mon esprit. Je pensais que le latin et le grec étaient des matières optionnelles. Oui, bon. C'était avant la réforme, oui, on pouvait alors, choisir. Optionnel, donc déjà quand c'est optionnel, c'est que ce n'est pas dans le tronc commun obligatoire par définition. Non, mais qu'est-ce qu'il y a de nouveau par rapport au fait que c'était optionnel? Ce n'est plus même plus une matière optionnelle, ce n'est plus une discipline. Et comment ça s'appelle une matière qui n'est plus optionnelle? Non, ça n'a pas de nom, donc alors, on ne peut pas le désigner. Ce sont des savoirs, si on peut dire, donc qui sont mis en plus, donc dans ces enseignements pratiques interdisciplinaires, c'est-à-dire que un professeur d'histoire ou un professeur de mathématiques avec quelqu'un qui a été professeur de latin pourra par exemple travailler sur le nombre d'or. Donc on verra Pythagore, on verra le Parthénon, il y aura des choses de mathématiques. Mais ça ne s'appellera pas grec non, ou ce n'est, latin c'est antiquité, voilà. Et donc ça disparaît des radars, alors, si on peut dire des radars, oui, même ce n'est plus des brochures d'explications. Si par vous exemple. Prenez les programmes des collèges, il n'y a plus le latin et le grec. Il y a simplement pour ceux qu'on appelle ces enseignements de complément, donc qui ont été concédés, si on peut dire. Où là, on va alors c'est là quand même on retrouve les textes, la grammaire, etc. Mais sur un horaire légèrement réduit. Mais c'est-à-dire l'idée, c'est de faire donc du latin et du grec, enfin plutôt des faits de civilisation, une expérience vivante avec à mon avis quelque chose que l'on perd énormément, c'est-à-dire que l'Antiquité va se réduire à des faits. Les anciens pensaient comme ça, ils disaient comme ça, ils se mariaient comme ça. C'est ça, une sorte d'instruction civique. Civique, civilisationnelle, la guerre se faisait comme ça, etc. Donc il n'y aura que dans ces enseignements de complément où là, mais on aura peu de temps, on ne pourra pas. En plus, leur continuité sur l'ensemble du cycle scolaire n'est pas assurée. Et mon avis, l'enjeu, ce n'est pas tellement l'Antiquité, ça c'est une chose importante, mais comme il s'agit aussi de la semaine de la langue française et des langues, c'est qu'est-ce qu'on pense qu'est une langue ? À quoi ça sert une langue ? Quelle idée on a de la langue ? Et là, le latin et le grec étaient des langues qui ne servent pas à parler, sauf à l'Église, mais ce n'est pas du tacite quand même. Je veux dire, ces langues que personne ne parle, donc je m'en permette, mais qu'on ne connaît que par des grands textes. C'est ça qui est. On connaît par Virgile, Ovide, Homère, Platon, Aristote. C'est-à-dire, ce sont des immenses chefs-d'œuvre de réflexion, de travail sur la langue, de style, de pensée, etc. Eh bien, la langue était perçue à travers les langues anciennes comme dépositaire de cette réflexion de l'esprit humain. Et là, maintenant, l'idée, c'est que la langue doit d'abord être un instrument d'information et de communication. Je dirais que si la langue française est en danger maintenant, parce que c'est la semaine, c'est précisément à cause de ceux qui pensent cela. Et quand on voit les programmes d'enseignement, par exemple, des langues vivantes au collège, il n'y a plus jamais le mot « traduction ». Il s'agit de bien parler, de comprendre, etc. Alors, ce qu'on ne peut pas faire avec le latin, parce que ça ne sert à rien. Mais il s'agit d'être dans la communication immédiate et non pas d'arrêter son esprit sur des productions de l'histoire, des textes. Pour se demander mais comment c'est fait, comment ça marche, qu'est-ce que ça me dit, comment je réagis, comment je le traduis dans ma propre langue, comment j'enrichis mon français. Ce que vous entendez par traduction, c'est l'importation en fait de l'esprit de la langue. C'est ça, c'est-à-dire c'est l'esprit de la langue. Donc on voit que le latin, l'allemand et le chinois ou l'arabe ne sont pas comme le français. Les mots sont différents évidemment, mais aussi les tournures des phrases. Ce n'est pas la même grammaire. Même si la grammaire fondamentale de toutes les langues est la même, c'est une grammaire universelle. Mais je veux dire, ça se réalise différemment. Et après, on voit comment des auteurs intéressants, et on a la chance que pour le latin grec, tous les auteurs sont intéressants, tous ceux qu'on a gardés, parce qu'on a perdu l'immense majorité. On voit comment quelqu'un a travaillé sa langue, a travaillé avec les croyances de son temps, a écrit contre d'autres ou pour d'autres, etc. Donc on voit l'esprit humain en pleine activité. Et traduire, qui veut dire d'abord apprendre la grammaire de cette langue autre, pour mieux connaître la sienne, parce qu'un des problèmes, c'est qu'on n'enseigne presque plus la grammaire française. Et donc le latin était devenu le seul lieu où on pouvait savoir ce que c'est qu'un complément, un subjonctif, etc. Mmh. Et donc on passe par cette grille, et ensuite on se dit, mais qu'est-ce qu'il a voulu dire, Virgile ? Pourquoi il commence comme ça un poème, ou par rapport à Homère, ou qu'est-ce que Platon a voulu dire ? Et on doit le dire dans sa propre langue. Donc c'est, on fait, dans un petit exercice scolaire, la version, mais surtout la traduction, parce que la version, c'est le français standard. Hein, donc la traduction, on doit inventer hein, son français propre pour rejoindre ce que Platon ou Virgile ont fait. Et bien là, on fait un acte d'histoire. C'est ça qui me paraît important. On assimile l'histoire humaine beaucoup plus qu'on si on dit « Ah, les égouts à Rome étaient comme ça » ou « Je sais pas quoi, les bijoux étaient comme ça ». On l'intériorise, on l'assimile complètement. Voilà, ça devient une chose propre, une chose personnelle. Pierre-Judet de Lacombe, c'est en 49 que vous voyez le jour à Lille, version dissertation, vous suivez des études classiques. Votre rencontre avec le philologue et philosophe Jean Bollack en mai 68 est pour vous un déclic. Marion Duchesne retrace votre itinéraire et on se retrouve juste après. Avec lui, j'ai appris à mettre la science au service des textes grecs, raconte Pierre-Judet de Lacombe. Jean Bollack était aussi un grand ami des poètes contemporains. L'agrégation de grammaire en 1972, en 1981, il soutient sa thèse sur la réflexion lyrique dans l'Agamemnon d'Eschyle. Eschyle, Platon, Pierre-Judet de Lacombe se spécialise dans l'herméneutique de la tragédie grecque, en particulier la poésie. J'ai également toujours adoré les grands poètes contemporains comme Rimbaud ou Apollinaire, dit-il. C'est dans les années 90 que Pierre-Judet de Lacombe se met à traduire du théâtre. J'avais fait un commentaire mot à mot des Atrides pour Ariane Nouchkine, cela m'a donné envie de traduire Agamemnon. Et actuellement, Pierre-Judet de Lacombe travaille sur l'Iliade d'Homère. Transmettre, un mot clé pour celui qui a enseigné à l'école normale sup, avant de diriger le centre de recherche philologique de l'île 3, le Brésil, l'Italie où il donne un cours de théâtre à Venise, l'Allemagne, la Chine, Pierre-Judet de Lacombe entend bien préserver à travers le monde les trésors culturels, éthiques et politiques que sont le grec et le latin, la méthode du directeur de l'EHESS pour faire aimer les langues anciennes. Il suffit de parler comme ceux qui en furent les artisans, d'expliquer comment ils écrivaient ce qu'ils cherchaient. Oui, institutionnellement, les langues anciennes sont très menacées, reconnaît Pierre-Judet de Lacombe. Mais en même temps, il y a dans la société française une énorme demande de renouveau et de sérieux en la matière, ajoute l'auteur de L'avenir des anciens paru chez Albin Michel. De formation catholique, l'helléniste, un brin pascalien et janséniste n'est pas croyant. Je pense cependant que la conscience religieuse est une affaire publique. Le pape François, son allusion sur Donald Trump m'a touché. Je l'ai trouvé courageux, reconnaît Pierre-Judet de Lacombe. Et de conclure, il y a dans la religion un côté prophétique auquel je crois. Alors, Pierre-Judet de Lacombe, un brin pascalien et janséniste, alors que vous n'êtes pas croyant, explication ? Oui, oulala, c'est tout un débat. On peut croire en la religion sans croire à la croyance. Oui, c'est-à-dire que ce qui me plaisait chez Pascal, plus que chez ses adversaires, c'était l'insatisfaction devant le réel. C'est-à-dire que le fait qu'on pouvait toujours... c'est pas en travaillant qu'on va avoir la grâce, etc. Donc c'est une chose qu'on ne maîtrise pas. Le réel est là et il faut donc quand même percevoir les signes de quelque chose de plus fort. Et je crois que ça m'a tourné vers ces textes-là. Et c'était lié, aussi paradoxal que ça puisse paraître, si j'ai fait de la philologie, c'est aussi à cause de mai 68. C'est-à-dire qui a été quand même un grand moment d'émancipation aussi. C'est-à-dire face à l'université qui a quand même été extrêmement triste. Donc faudrait... Émancipation de quoi ? De la culture bourgeoise ? Pas de toute forme d'autorité. C'est-à-dire, côté pascalien, c'est ça aussi. C'est-à-dire que c'est une position un peu négative par rapport à l'humanité, etc., mais qui rend totalement libre. C'est-à-dire qu'on ne se laisse prendre par aucune institution. Et donc, il y a une espèce d'appétit comme ça d'autre chose. Et c'est 68, ça a été ça. Et Jean Bollack, qui lui n'était pas pascalien, donc c'est intéressant. C'était quelqu'un, famille juive, formation protestante, dans un pays, le nôtre, plutôt majoritairement catholique. Donc c'est. Et avec un élève à lui, Hans Wismann, qui aussi était entre le catholicisme et le protestantisme. Je pense que là, les religions sont essentielles dans notre vie. Et c'est bien de pouvoir justement passer, pas passer de l'une à l'autre, mais vivre dans la confrontation des religions. Je crois que c'est aussi une forme de libération par rapport à des mœurs, par rapport à des institutions un peu lourdes. Et donc là, il fallait, on a créé ce que, qui était rappelé là, le Centre de recherche philologique. C'était un groupe où on se dit, on va lire ensemble les présocratiques, Homère, Platon, avec des arguments, avec tous les instruments un peu lourds de la science, les grammaires françaises, allemandes, tout ça, pour essayer de comprendre. Et surtout, l'idée, c'était que l'interprétation soit à la hauteur de la prétention des œuvres. Dire que ces grandes œuvres, Homère, c'est extrêmement dur à comprendre. Il faut construire des modèles, mais c'est tellement magnifique. Bon, il suffit de lire Homère, et même dans de bonnes traductions. Je veux dire, on voit que c'est la très, très grande poésie. Après, il faut se dire, mais comment c'est possible, ça, dans l'histoire? Donc, qu'est-ce que ça veut dire, non seulement phrase par phrase, mais historiquement? Ça, c'est la science qui permet ça, mais il faut que la science soit à la hauteur de la qualité de ces textes. Et à l'époque, j'avais une grande insatisfaction devant ce qu'on nous enseignait en classe préparatoire. C'était une forme de rhétorique un peu paresseuse. Commencer le structuralisme, donc, et là, je trouvais que c'était magnifique sur le plan théorique, comme science. Mais on réduisait le texte à des structures et ça ne me plaisait pas, parce que je trouvais qu'on perdait la qualité propre. Et donc c'était un peu l'idée des gens qui se réunissaient autour de Jean Bollac, en espèce de groupe comme ça, on se travaillait même la nuit, surtout le dimanche, pour montrer qu'on n'était pas comme tout le monde. Il fallait à tout prix trouver un sens fort au texte. Alors parfois c'était trop fort, mais je veux dire, mieux vaut surinterpréter, comme on dit, que sous-interpréter. Au moins on reconnaît la qualité de ses œuvres. Pierre Judet de la Combe, quand vous dites tout à l'heure, alors c'était dit dans votre portrait, il y a une demande énorme de renouveau et de sérieux de la matière. Et puis vous nous dites en 68, donc c'était le renversement des institutions. Moi, j'avais le sentiment que le latin et le grec étaient des institutions. Est-ce qu'aujourd'hui vous ne faites pas les frais de la guerre que l'on fait à toutes les institutions? D'une certaine façon. Alors, il y a eu ça. C'est une institution intellectuelle. Bon, ben voilà, on estime qu'au nom de la lutte contre les inégalités, toutes les institutions doivent passer à la trappe. Alors, il y a eu ça. Je veux dire que même si les gens qui, ces égalitaristes, donc, ils sont dans les institutions, ils y ont le pouvoir, de certaine manière, au ministère de l'Éducation, ce sont eux qui règnent, Dieu sait. Alors, et il faut quand même dire que dans cette guerre qui avait commencé, pas avec 68, mais avant, il y avait eu les chœurs à la nouvelle critique, etc. Je veux dire, les disciplines traditionnels comme le latin et même le grec ont résisté pour leur malheur, c'est-à-dire que l'université n'a pas accueilli les nouveautés et vous aviez des grands dissidents comme Jean-Pierre Vernant qui a toujours été en dehors de l'université, c'est-à-dire et vous avez alors Jean Bollac qui lui venant d'Allemagne avait une idée de culture allemande, avait une idée beaucoup plus haute de ce que pouvait l'université, c'est pour ça qu'il a créé son centre à l'université, mais donc la Sorbonne, pour dire, où il y avait des très grands savants, notamment linguistiques, ça c'est une chose forte en France, a résisté de toutes ses forces pour maintenir la tradition, l'agrégation, etc. Et on le paye maintenant, parce que en voulant marginaliser même des gens comme Vernant, je veux dire, ces disciplines ont perdu énormément de substance et d'intérêt. Et donc là, il y a quelque chose, il y a du temps à rattraper dans la formation, etc. Dans les concours, il faut les maintenir. Mais par ailleurs, il y a une demande. Je trouve ce qui me frappe, c'est qu'il y a une demande de culture absolument gigantesque au théâtre, parce que j'ai beaucoup travaillé avec des gens de théâtre, vraiment des gens magnifiques. C'était, pour moi, c'était des très grands chocs. Là. Ça a même changé ma manière de lire les textes anciens. Il y a une demande de précision dans les textes. Il y a une demande. Ce sont des vrais professionnels de l'art. Et à eux, comment dire, on ne peut pas leur raconter l'histoire. Il faut que ce soit très précis, etc. Donc, et souvent, je dois dire que je peux avoir avec des metteurs en scène ou des acteurs des discussions sur les textes beaucoup plus profondes, philologiques, si on veut, donc, avec des collègues. Ça, mais là, c'est du travail d'orfèvre et ça correspond à une demande très particulière. Oui. Là, c'est vrai que quand vous dites oser lire les Grecs et les Latins, on s'adresse aussi à tous ceux qui entrent dans cet immense couloir de l'éducation nationale et qui aujourd'hui vont peut-être ne plus être en contact avec ce dépôt. Parce que en fait, c'est beaucoup plus simple qu'on ne le dit. C'est-à-dire que donc en France, malheureusement, on n'a pas cette tradition, pas assez. Mais je veux dire, on fait pas du mot à mot. Donc moi, je me souviens quand j'étais en classe préparatoire, il fallait faire des commentaires composés. Je savais pas faire parce que moi, je commençais un texte par le début simplement. Mais quand avec des élèves, alors on explique la grammaire, etc. On explique des faits de civilisation. On lit un texte simplement en disant tiens d'abord je comprends pas puis petit à petit je vais comprendre mais c'est très simple c'est comme vous dites c'est l'orfèvrerie c'est artisanal mais on peut le faire même au collège et on explique évidemment on n'attend pas que l'élève se trompe pour ensuite lui taper dessus je veux dire mais on déroule avec lui le sens des textes Eh bien là, ça peut faire des vraies expériences, dire on s'aperçoit que c'est vrai, du Platon c'est magnifique, que Virgile, Ovide, ce sont des très très grands auteurs qui sont plus maîtrisables par des gamins. Donc c'est pas la matière en soi qui est aride, c'était la façon de l'enseigner voilà, qui s'est fossilisée et qui n'a pas su séduire. Parce que d'abord on a enseigné, on a choisi des textes dont les textes latins, on peut bien aimer Cicéron, il y a encore beaucoup d'auteurs contemporains, enfin moins des hommes politiques qui écrivent ou parlent comme Cicéron malheureusement, mais c'est pas ce qu'il y a de plus important en latin. C'est-à-dire qu'il y a la poésie qui est magnifique, qui n'est pas si difficile que ça. Et puis une chose que je dis parfois, pourquoi on n'enseigne pas la Bible en latin ? C'est-à-dire qu'on n'enseigne pas les textes, alors Jérôme c'est quand même extraordinaire, on n'enseigne pas les Saint Jérôme ? Oui, qui ont... Pardon. Non, non, mais c'est... ce n'est pas le chanteur, c'est le saint. Non, c'est qui ? Oui, c'est le bon, grand philologue. qui des textes qui ont été tellement importants pour l'histoire de l'humanité, je veux dire, c'est ça qu'il faut enseigner. Donc, alors là, on a toujours l'idée que voilà, c'est la rhétorique, c'est une manière de faire, etc. Donc on a quand même stérilisé. Alors il y a eu des très très grands érudits en France, encore une fois, notamment en linguistique, ce qu'on appelle la grammaire historique. Mais pour les textes, pas. Par exemple, vous ne trouvez presque pas en France d'éditions commentées des grands textes. Il faut prendre des Allemands, des Italiens ou maintenant des Anglais. Parce que ce n'est pas la pratique, c'est-à-dire qu'on donne des faits, on donne des interprétations, mais au lieu de rentrer dans le ductus, c'est-à-dire dans le fil que suit une pensée en train de se dire. Et c'est ce rapport au langage, parce que pour nous, on a une conception du langage, disons, ou bien c'est un instrument, l'instrument de la pensée, d'où la version, c'est-à-dire on peut traduire, là ça c'est important pour la langue française, on traduit les textes latins, allemands, etc., dans un français qu'on pense universel. Parce que la langue française, qui est une langue où vous avez l'ordre sujet-prédicat, ce qu'on n'a pas en allemand, par exemple, avec l'inversion. Donc on pense que notre langue vaut toutes les langues. Alors on tombe de haut, parce que c'est malheureusement... Que l'ordre des mots suit l'ordre de la pensée, ouais, c'est l'ordre de la pensée. Voilà, c'est l'ordre le plus juste. Et en fait, on exprime en français ce que le latin aurait dû dire, véritablement. Alors qu'il faudrait qu'on ait plus d'humilité, mais en même temps plus d'ambition. C'est-à-dire qu'on rentre dans la langue française, mais aussi dans le latin, l'allemand, etc., comme des langues particulières qui, dans leur forme très bizarre, avec aussi ce que les auteurs en ont fait, parce que le latin de Virgile n'est pas celui de Cicéron ni celui de Lucrèce, ben, les auteurs, c'est singulier, mais ont visé quelque chose de communicable. Alors Pierre Judet de Lacombe, on va se retrouver après 8h. Ce qu'on voit à travers ce que vous dites, quand même, c'est la difficulté qu'on a peut-être aujourd'hui à apprivoiser l'autre. D'une certaine façon, il y a une sorte de repli, hein, et une volonté de ne pas aller vers l'autre. On se retrouve juste après les infos avec l'avenir des anciens. C'est Pierre Judet de Lacombe, notre grand témoin ce matin. L'Institut catholique de Paris vous ouvre les portes de son puits au cœur de Paris le samedi 19 mars. De 10h à 18h, venez découvrir des cursus de licence en sciences économiques, droit, sciences po, langue, histoire, histoire de l'art, lettres, philosophie, sciences de l'éducation, des prépas, concours grandes écoles et bien d'autres choses encore. Pour tout savoir sur le programme de cette journée et vous inscrire aux conférences, rendez-vous sur www.icp.fr. ICP, l'esprit grand ouvert sur le monde. La lutte contre le réchauffement climatique, c'est l'affaire de tous et l'engagement de chacun. C'est pourquoi la Maison de la Fenêtre s'engage à vous proposer des produits haute performance posés par des professionnels certifiés Calibat RGE. Porte-fenêtre, volet roulant, avec la Maison de la Fenêtre, vous gagnerez en confort de vie, en énergie, tout en valorisant votre patrimoine. En ce moment, profitez de 20% de remise et du crédit d'impôt. La Maison de la Fenêtre à Villejuif. 01 42 11 03 03. 01 42 11 03 03. Voir conditions en magasin. Quatre bonnes raisons d'aller au cinéma. Lettre au Père Jacob, le 9 mars dans les salles. 1. Pour découvrir l'émouvante confrontation entre un vieux prêtre de campagne aveugle et une femme tout juste sortie de prison. 2. Pour se laisser toucher par cette surprenante histoire de rédemption pleine d'espérance. 3. Parce que c'est un film magistralement interprété, plein de poésie et d'une vraie profondeur. Et enfin 4. Pour découvrir un réalisateur talentueux, lauréat de plus de 15 prix majeurs pour ce film. Lettre au Père Jacob, le 9 mars dans les salles. 6h-9h, Louis Dauphrenne, Flora Cortès. Et juste avant 8h, la minute spirituelle. Vivez le temps du carême sur Radio Notre-Dame. Bonjour Père Jean-Marie Crespin. Bonjour Flora. Nous sommes dans cette semaine de la Passion qui nous conduit vers la Pâque, vers le mystère de la mort et de la résurrection du Seigneur. le cœur de la vie chrétienne et le cœur de la célébration liturgique et le cœur de l'année. Et pour cela, nous avons besoin de nous préparer. Pendant cette semaine de la Passion, l'évangile de Saint Jean vient nous guider et nous donne des affirmations qui sont là pour consolider notre foi, consolider notre vie spirituelle. Je me permets de vous citer un passage de l'évangile de ce jour. « Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. » Arrêtons-nous sur cette affirmation tellement importante de découvrir que dans le Christ, le mystère du Père nous est révélé. En comprenant qu'il n'y a pas un au-delà, parce que le Père n'est pas un au-delà du Christ, mais il y a une source. Et cette source, c'est le Père qui vient nous donner son Fils. Et lorsque nous écoutons le Christ, nous découvrons le mystère du Père. Merci Père Jean-Marie Crespin, à demain. Radio Notre-Dame, la vie prend un sens. Et à 8h, ce sont les infos qui vous sont présentées, comme chaque matin, par Flora Cortès. Bonjour à tous. La Russie a entamé le retrait de son équipement militaire de Syrie. C'est ce qu'a indiqué le ministère russe de la Défense mardi, quelques heures après que le président Vladimir Poutine a annoncé lundi soir le retrait de la majeure partie du contingent militaire russe de ce pays. Les techniciens ont commencé à préparer les avions à des vols de longue durée vers leur base dans la Fédération russe, a précisé le ministère. Le président Poutine a annoncé lundi le retrait de la majeure partie de ses militaires déployés depuis le 30 septembre, mettant fin à la longue série de bombardements. L'annonce surprise de Moscou a eu lieu au moment où débute à Genève un nouveau cycle de négociations entre les représentants du régime de Damas et de l'opposition. En Birmanie, Thin Kuo, un fidèle compagnon de la dissidente Aung San Suu Kyi, est devenu le nouveau président de la Birmanie, le premier démocratique élu depuis des décennies après un vote au Parlement. Aujourd'hui, la Ligue nationale pour la démocratie, qui a largement remporté les législatives de novembre, a proposé le nom de ce proche de la prix Nobel de la paix, qui ne peut elle-même devenir présidente en raison de la constitution héritée de la junte. Près d'un quart des décès dans le monde découlent d'une cause liée à l'environnement au sens large, qui va de la pollution en passant par le suicide ou les accidents de la route, selon l'OMS. Un rapport de l'Organisation mondiale de la santé publié ce matin estime qu'en 2012, quelque 12,6 millions de décès étaient à mettre notamment sur le compte de la pollution de l'air, de l'eau et des sols, l'exposition à des substances chimiques, le changement climatique ou les rayons UV qui provoquent une centaine de maladies ou de traumatismes chez les humains. Aux États-Unis, ce mardi est un jour de primaire en forme de référendum pour ou contre Donald Trump. Des millions d'électeurs américains votent pour l'investiture à la présidentielle au moment où le milliardaire est accusé d'inciter à la violence. Tout le week-end a été dominé non pas par des débats sur l'immigration ou les impôts, mais exclusivement par le favori républicain Donald Trump et son attitude face à la montée des heurts dans ces rassemblements. Le ministre français de la Défense, Jean-Yves Le Drian, estime qu'il y a un risque majeur que des djihadistes de Daesh organisent le passage de migrants vers l'île italienne de Lampedusa depuis les zones qu'ils contrôlent en Libye. C'est dans un entretien à paraître aujourd'hui dans le Figaro. Il y a aujourd'hui en Libye entre 4000 et 5000 combattants de Daesh, dont beaucoup de Maghrébins et d'Égyptiens. Il n'y a quasiment pas d'Européens, mais cela pourrait venir, souligne le ministre dans le quotidien. Enfin, en marge du Conseil des ministres de l'Agriculture, la Commission européenne a autorisé la France à expérimenter durant un an l'étiquetage de l'origine des viandes et du lait dans les produits transformés. Une victoire pour l'Hexagone qui y voit un moyen de promouvoir son élevage en pleine crise. Selon le ministre de l'Agriculture français, l'Espagne, l'Italie, le Portugal et le Royaume-Uni reprendront cette idée d'étiquetage de l'origine des produits. 8h03, l'édito. Une question régulièrement posée concerne l'attitude des chrétiens face au corps et à la sexualité. Est-il vrai qu'il y aurait une névrose chrétienne de la chair? Pour Gérard Leclerc, n'est-ce pas étrange de parler ainsi alors que la pensée moderne initiée par le freudisme est, elle, tout à fait pessimiste en matière sexuelle, à la sexualité ne pouvant se libérer de ses conditionnements traumatiques? On vous écoute, Gérard. Le propos est si banal qu'il n'est pas utile de citer son auteur. N'est-ce pas l'Église catholique, dit-on, l'Église catholique en général, qu'il faudrait accuser à propos des affaires de pédophilie plutôt qu'un de ses dignitaires à cause de son malaise à l'égard de la sexualité? Oui, c'est un grief très répandu, même il se décline sous de nouvelles formulations. Le christianisme aurait quasiment de naissance répandu la phobie et même la haine des corps. aujourd'hui encore, l'Église serait retardataire sur l'évolution des mœurs, ce qui contribuerait à expliquer une certaine névrose à l'égard de la sexualité. Il est vrai que le discours aujourd'hui est un peu plus différencié, parce qu'autour du débat sur le mariage, on a aussi répandu l'idée que la pensée chrétienne serait naturaliste, à l'encontre de l'idéologie du gender, selon laquelle la sexualité est pure construction, indépendamment du caractère sexuel de la personne. Il faudrait s'entendre, pour ou contre le corps ? D'évidence, l'Église est pour le corps. Déjà, saint Paul l'affirmait, le corps est pour le Seigneur et le Seigneur pour le corps. Ou encore, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu ? Je me souviens d'une longue conversation que j'avais eue sur le sujet avec Michel Foucault, qui venait de publier le premier tome de son Histoire de la sexualité. C'est le christianisme, me disait-il en substance, qui dans l'histoire a le plus insisté sur notre nature corporelle, et il me citait des pères de l'Église qu'il était en train d'étudier pour la suite de ses travaux. Cela n'empêche pas que les préjugés ont la vie dure. Lorsqu'on explique que le monde catholique en général a été très en retard en ce qui concerne l'éducation à la sexualité, on devrait prendre garde que c'est plutôt le contraire qui est vrai. Il conviendrait donc de réaliser un travail historique précis. Mais je suis convaincu pour ma part que les établissements catholiques ont été souvent à l'avance par rapport aux autres institutions en matière d'éducation affective et sexuelle. Et lorsque l'évolution s'est précipitée dans les années 60, la société a peut-être pris sa revanche, mais je crains que la prétendue révolution sexuelle d'alors ne nous ait conduit plus à des impasses qu'à une vraie libération. Merci Gérard Leclerc. À demain, la suite du Grand Témoin. C'est avec vous, Louis Dauphresne. Pierre Judet de Lacombe, helléniste, directeur d'études à l'EHESS, l'avenir des anciens aux éditions Albin Michel, c'est oser lire le grec et le latin. C'est vrai que quand on regarde l'Antiquité, Pierre Judet de Lacombe, on ne voit que des cornues. Il suffit de se promener à Rome, des statues où le corps est mis en avant. Que vous inspire cette réflexion de Gérard Leclerc sur l'Église catholique et le corps et la sexualité ? Oui, là, on ne pourrait pas parler de la Grèce et le corps parce que là, donc. Trouve des éloges de la pédophilie chez Platon, tout ça. Non, c'est que... À ce point ? Absolument. Donc, quand on parle de l'amour chez Platon, c'est presque toujours l'amour des enfants, enfin des adolescents. Mais... Pédéraste, érastèse, oui, oui, c'est ça. C'est le rapport pédagogique normal, quoi. Je veux dire... Comment ça se fait ? Bah, c'est lié à une idée aristocratique, donc liée autour de la vertu, si on peut dire, de courage, qui c'est en grec se dit virilité, andreia, quoi. Et donc on transmet du même au même avec cette différence. Et comme c'est vrai que bon, la Grèce antique n'est pas une Grèce de l'incarnation, c'est-à-dire ça c'est propre au christianisme, mais c'est une idée que voilà la beauté est ce qui est, la beauté a un contenu de vérité par soi-même, par elle-même. Et donc l'amour sexuel et l'amour comment dire intellectuel pouvaient parfaitement aller de pair, quoi, dans certaines classes, uniquement dans les classes aristocratiques. Bon, donc c'était un apanage, une distinction masculine. Oui, qui de transmission, de comment dire, d'un héritage. Mais qui allait de pair avec un esprit. Alors oui, parce que ça se faisait. Bon, il y avait dans les banquets, etc. Il y avait donc on buvait, il y avait les garçons, mais aussi il y avait la poésie, la dialectique, etc. Donc bon, sinon, bon, c'est vrai que c'est un problème très très lourd, celui du rapport entre le christianisme et la sexualité, problème que j'ai bien vécu. Donc. En tant que jeune, et je dois dire que bon, c'est vrai que le christianisme est une religion de l'incarnation, comme il a été dit, et je trouve que là, l'Église pourrait avoir plus confiance. Il y a eu effectivement la libération sexuelle qui a été une nécessité absolue, c'est-à-dire de pouvoir que les gens revendiquent leur propre corps et le droit de la jouissance dans tous les sens du terme de leur corps. Alors après, comme toute révolution, comme toute libération, ça produit des effets, comment dire, de contrainte, de répression, etc., des idéologies, un moralisme, un anti-moralisme, etc. Et c'est sûr que quand on voit la querelle, bon, qui en fait un peu montée en épingle entre l'accusation de naturalisme, parce que bon, l'Église normalement c'est quand même pas du côté de la nature, l'Église est du côté de la transcendance. Bon, et la Sainte Famille n'est précisément pas un modèle de famille, c'est ça le miracle, c'est ça la grâce, c'est-à-dire que Joseph n'est pas le père, mais il est encore plus le père d'une certaine manière. Donc au-delà de toute nature physique. Et par ailleurs, la théorie du genre, on en fait beaucoup de cas. Moi, j'ai beaucoup de collègues qui travaillent sur le genre dans mon école, à l'école des hautes études en sciences sociales, et on ne dit pas non, le genre, le sexe n'est qu'une construction. construction sociale. Donc là, on distingue entre sexe et genre. Il y a toute une réflexion sur la nature. C'est complexe. Quoi. Donc on a caricaturé donc les ennemis de ce qu'on a caricaturé comme naturalisme. Dès que ça rentre dans le champ politique, de toute façon, ça devient... C'est biaisé. Voilà. Alors, Pierre-Judet de Lacombe, j'avais une question sur le fait que... Enfin, il me semble qu'à la Révolution française, il y a eu une volonté de la part des révolutionnaires, des conventionnels, de rejouer une forme d'antiquité. Il y a une exaltation de l'antiquité. Est-ce qu'aujourd'hui, et une volonté de revenir à cette antiquité, est-ce qu'aujourd'hui, ceux qui se réclament de la liberté, de l'égalité, de la fraternité ne devraient pas mettre en avant justement cette antiquité à travers le latin et le grec pour être en conformité avec ces valeurs de la République qu'ils invoquent constamment ? Alors, c'est complexe. Alors, c'est vrai que les révolutionnaires, eux, avaient en tête plus Sparte que Athènes. Bah, Sparte avec la constitution des égaux, donc le principe d'égalité qui n'était pas du tout un principe athénien. Et donc c'est cette démocratie-là, si on peut dire, qu'il valorisait. Alors c'est le problème de tous les retours anciens à l'antique. C'est vrai qu'il y a des penseurs politiques tout à fait pertinents qui reviennent à la question de la délibération dans la cité en retravaillant Aristote, etc. Mais on ne pourra pas tirer des anciens, des leçons directes, je pense, sur les valeurs que l'on peut, retravailler, élaborer pour créer des normes dans le monde contemporain. On peut, par exemple, dire, comme certains à gauche ou ultra-gauche le disent, voilà, Aristote est contre l'argent. Bon, ça, c'est certes. Mais c'est pas très utile parce que le contexte économique et social, et surtout même le contexte intellectuel, n'est plus du tout le même. Par contre, là où je pense que on a intérêt à revenir à ces immenses penseurs de la politique, même si c'était tous de droite, si on peut dire, Platon, Aristote, parce que... Vu d'aujourd'hui, même Platon, lui, il était vraiment réactionnaire. Quoi. L'idée, c'est que y a une telle intelligence dans la problématisation de ce qu'on a appelé le politique, c'est-à-dire le politique par rapport à la politique, c'est ce qui fait que l'institution d'une société... Ça traverse la politique, mais ça va aussi dans l'économie, etc. Et donc il y a une telle intelligence des interactions entre les différents domaines de compétences, de domaines de valeurs chez ces penseurs, que la lecture des anciens peut nous être utile pour précisément sortir d'une vision extrêmement limitée et technicienne où le politique et l'homme politique est censé faire du politique, l'économique est censé faire de l'économie, parce qu'on voit que ça ne marche pas. Il n'y a qu'à voir les grandes discussions maintenant sur le contrat de travail. C'est-à-dire que, est-ce qu'on est dans la politique? Est-ce qu'on est dans l'économie? Les économistes se battent entre eux pour et contre, mais on voit que ce sont des modèles de théorie économique différents. C'est pas seulement le réel qui leur donne telle ou telle idée. Et je pense que des pensées qui essaient de traiter ensemble ces problèmes ne sont pas des modèles en soi pour leur contenu, mais pour la démarche. Et là, je crois que là, le retour aux anciens, enfin plutôt la lecture des anciens, peut être éclairant. Donnez-nous un exemple, de ce qu'on pourrait mettre entre les mains d'un politique ou de quelqu'un qui veut réfléchir aux grandes questions du moment, qui s'inspire des Grecs et des Latins, qui pourrait avoir une pertinence aujourd'hui. Par exemple, Thucydide, qui est un auteur absolument grandiose, où Thucydide a donc sa conception de l'histoire du monde, qui est une histoire ouverte. Il n'y a pas de progrès pour les Grecs. Donc le monde, la vie, c'est une redistribution. Cyclique. Alors après, ça peut être cyclique, mais même pas chez Thucydide. Lui, c'est un mouvement brownien, etc. Alors il dégage la logique économique et géographique de tout ça. Et ensuite, il dit oui, bon, mais il y avait tous les discours qu'il restitue. Et les discours, on parle de la justice, on peut parler des dieux, tout cela, de la pollution qu'apporte telle population, tout ça. Mais il le met toujours en rapport avec une logique fondamentale, une logique des intérêts, etc. Et donc cette analyse à deux niveaux, parce que c'est pas comme on disait avant, il y a un niveau qui est premier, l'autre qui est second, infrastructure, superstructure, etc. Bon, ça, on n'y croit plus. Mais il montre comment on doit chaque discours avec un argument normatif, hein, comme on a maintenant, bon, avec les grandes crises, la crise sur les réfugiés, bon, qui est quand même une chose atroce qu'on est en train de vivre à tout niveau, au niveau du réel et au niveau des discours qui sont dits. Eh bien, quelqu'un comme Thucydide apprend à penser les relations entre ce que les individus projettent avec leurs valeurs, leurs normes, et qui peut éventuellement créer consensus, et la réalité de la situation. Ça, je crois que là, c'est quelque chose de merveilleux de lire ça. Parce qu'il le fait avec une précision, et on peut dire avec une cruauté énorme, parce qu'il met toujours en rapport ce qu'un démagogue peut dire et ce qui, en fait, est en train véritablement de se passer. Et on voit les arguments, comme les Grecs étaient des gens qui étaient à la fois très brutaux, parce qu'ils menaient la guerre tout le temps et de manière féroce, et en même temps très doués dans le dialectique, et on voit le rapport entre la violence et les raisonnements. Ce que vous dites, Pierre-Judet de Lacombe, vous dites, je reviens à la réforme, vous dites il faut que ça meure. Que ce que vous êtes en train de dire, et on voit tout l'apprentissage qu'on pourrait, toutes les leçons qu'on pourrait en tirer dans le quotidien, dans l'exercice du pouvoir, eh bien, c'est en train de... On veut le faire mourir. Non pas forcément le tuer, mais l'empêcher de vivre. C'est à peu près la même chose. Oui. Voilà. Et l'idée, c'est qu'on ne veut que des choses strictement utilitaires. Sans voir, mais là, vous nous expliquez pourtant, que les anciens ont une pertinence dans notre façon de voir. Oui, donc il y a quand même une utilité. Oui, c'est justement, alors souvent alors, on a défendu les langues anciennes en disant elles sont belles parce qu'elles sont inutiles et dans voilà. Le monde du littérariste. Mais ça, c'est une mauvaise défense. Hein. Elle est fausse, à mon avis, elle est vraiment fausse. Les anciens sont très utiles, non pas parce qu'ils donneraient des conseils, ça. Bon, on peut toujours trouver des choses chez Platon ou chez Aristote ou d'autres, mais non, c'est plutôt que. Ils sont utiles à plusieurs égards. D'abord parce que même si on. Bon, c'est ce que j'essaie de dire dans ce livre. Les Grecs ne sont pas nos ancêtres. Nous ne sommes pas les enfants naturels des Grecs. Bon, des Romains, c'est un peu plus compliqué, mais les Romains se sont fait Grecs hein, pour être Romains, c'est ça. Ils ont emprunté une culture à un autre pays, donc ils ont transformé leur propre culture. Et comme je rappelle, César parlait grec. Mais ils sont... Ce sont nos parents adoptifs. On a décidé à plusieurs époques de les adopter sur des modes différents. Et donc... Lire ces textes, c'est lire notre propre histoire. C'est pas lire nos ancêtres, c'est lire la manière dont, à différents moments, les grands moments étant la Renaissance, l'âge classique, la Révolution, les romantiques, etc., nous avons créé notre propre modernité. Et ça, je pense que c'est essentiel, c'est-à-dire faire cette espèce d'introspection historique. Donc c'est une façon d'être dans la modernité voilà. Chaque fois. Je pense, parce qu'on voit ce qu'on a fait des Grecs, ce qu'ils... disent, bon, si on commence à les lire, et puis on pourra se dire, mais bon, je lis la démocratie dans Thucydide ou chez Platon avec sa critique, mais qu'est-ce que je pense maintenant? C'est quoi? Quelles sont mes valeurs? En quoi je suis différent? Par exemple, voir que chez eux, il n'y avait pas de salut, ça, c'est juif et chrétien. Donc l'histoire n'a pas de sens. Donc comment penser une histoire qui n'a pas de sens, ou bien c'est cyclique, c'est-à-dire ça doit se répéter, ça c'est Platon-Aristote, ou bien c'est indéfiniment ouvert dans une redistribution, bon ça c'est Thucydide et d'autres, Hérodote. Donc on est, les sophistes, donc on est devant des visions, disons, extrêmement claires, nettes, et du coup on se pose la question. Où est-ce que j'en suis, moi? Où est-ce qu'en est notre culture par rapport à la question du sens de l'histoire, etc.? Il y a eu tout le grand débat sur la fin de l'histoire, mais qu'est-ce qu'on pense maintenant? Du coup, quel est le rapport entre notre conception de l'histoire et la religion? Donc, ça nous aide à penser, c'est tout. Voilà, exactement. C'est-à-dire, donc, ce qu'on veut, c'est nous empêcher de penser. D'une certaine manière, on veut nous empêcher de penser de manière historique. C'est-à-dire, on fait comme si nous étions des sujets face au réel, des sujets qui doivent être bardés de compétences et de savoir pour trouver des solutions. Alors, c'est la performance. Donc, alors ça c'est très bien évidemment, il faut savoir régler des problèmes mathématiques, économiques, etc., même physiques, en sport ou bon même artistiques éventuellement. Donc là c'est la spontanéité qu'on sollicite. Mais c'est toujours en termes de compétences. On demande pas aux gens de s'arrêter sur quelque chose qui a eu lieu et de se dire mais qu'est-ce que j'en fais. Par exemple, si on prend les programmes de langue vivante, là pour les collèges, il n'y a jamais le mot traduction. C'est-à-dire, il faut apprendre à comprendre l'allemand ou le chinois, le parler, l'écrire, mais jamais de se dire tiens, il y a ça dans un texte, qu'est-ce que j'en fais? En fait, c'est le côté réflexif. Voilà, exactement. Et ça a tendance à disparaître. Vous le dites d'ailleurs à un moment, en parlant des djihadistes, jamais ils n'ont lu un livre en arabe. Les tueurs français du djihad ne lisent pas vraiment le français, ni l'arabe classique, ni l'arabe écrit moderne. C'est-à-dire qu'on a quand même une tendance générale à cette déculturation qui favorise ce que pourtant on combat. Donc normalement, on devrait avoir des dispositions exactement inverses de celles qui sont prises aujourd'hui. Oui, parce que le djihadisme, avec toutes ses horreurs, c'est une forme de fondamentalisme, c'est-à-dire c'est l'immédiateté. On fait comme si la parole du Coran, qui est tellement complexe, et là il y a les traditions d'interprétation, donc dans les pays musulmans qui sont même contradictoires, etc., c'est toute une richesse, hein, comme dans toutes les grandes religions, eh bien on prend ça au pied de la lettre, comme si c'est... Mais exactement comme dans la publicité, je veux dire, comme dans l'utilitarisme. C'est le même type de pensée, malheureusement. Donc, et puis, on l'applique. Donc, et là, on a les folies que l'on connaît. C'est de la mise en boîte. Hein. Alors, tout à fait. Donc, ce sont des objets. Et alors qu'il faut vraiment considérer le Coran comme un objet, comme un texte. Et à mon avis, il faudrait l'enseigner, évidemment, à l'école. Je trouve qu'on peut regretter qu'il n'y ait pas plus d'enseignement d'arabe à l'école, puisque l'arabe devient une langue française. Donc ça, il faut quand même... Il y a une chaire d'arabe au Collège de France ? Alors, ça, je ne peux pas vous dire, je crois que oui, mais il y a eu des... Comment dire ? Dans les classes bilangues, justement, il y avait des cours d'arabe. Alors, je ne sais pas ce que ça va donner, parce que comme c'est négocié cas par cas, mais évidemment qu'il faut donner aux Français issus de pays arabes, il faut leur donner la fierté, même. Mais il faut leur apprendre, et apprendre aux autres, ce que les cultures arabes ont de grandiose. Mm. Bon, et c'est ça, et ça, ça passe par la lecture de textes. Même chose, je trouve, pour les, on lit pas les textes juifs, les textes chrétiens assez à l'école, par une espèce de laïcisme primaire. Et c'est grotesque, parce que il s'agit pas de croyance, là, il s'agit de réfléchir sur des productions historiques qui sont encore importantes. Donc qui résonne encore. Et on peut se demander, du coup, si sur un texte religieux, ou comme sur un texte philosophique ou un texte poétique, on fait discuter la classe et qu'on voit qu'il y a plusieurs interprétations possibles et qu'en plus, on peut comme discuter entre les interprétations, je crois que l'esprit critique, là, sera que la laïcité veut à tout prix promouvoir, deviendra une chose réelle, concrète. Pierre-Judet de la Combe, vous avez dit tout à l'heure, donc, chez les Grecs, il n'y a pas de salut, pas de sens de salut. L'Église passe pour être un transmetteur de la pensée antique. Pourquoi est-ce que l'Église s'est à ce point intéressée à ces anciens qui, quand même, véhiculent une idée qui n'est pas celle ni forcément de l'incarnation du point de vue christique, ni évidemment celle de la verticalité du salut? Pourquoi est-ce que l'Église a été finalement un promoteur de ça aussi? Oui, bah, c'est ça, on voit ça dès le Nouveau Testament, c'est-à-dire... des grands lecteurs aussi. Abandonnant le monde juif assez rapidement. De textes grecs. Bon, avant, il y a eu Philon, Philon d'Alexandrie, qui a hellénisé le judaïsme à Alexandrie, justement, avec du Platon. Mais parce que le grand choc pour l'Occident, hein, parce qu'il y a eu de l'oubli pendant longtemps, c'est quand même avec Saint Thomas, c'est-à-dire il faut à la fois que le message évangélique et biblique, donc, et Aristote, soit rendu compatible, alors que ça l'est pas, parce que donc il n'y a pas de création du monde chez Aristote, mais il fallait, parce que du coup la théologie pouvait véritablement devenir le garant de la philosophie, c'est-à-dire que mais il fallait qu'il y ait un contenu philosophique, il fallait qu'il y ait une cosmologie. Donc ça, c'était Aristote, il n'y en avait pas d'autres, non, les autres avaient été évacués entre-temps. Donc l'Église a cornaqué les anciens, alors, en quelque sorte. D'une certaine manière, en faisant de Dieu le garant de la vérité d'un discours sur le monde. Donc c'était ça vraiment l'enjeu. Et donc la théologie gardait sa place. Mais c'était opportuniste ou ça correspondait non, à quelque chose de vivant, non, de consciemment. C'est un besoin intellectuel, c'est-à-dire que il s'agit pas simplement, c'est pas de l'impérialisme, etc. C'est pas de la récup. Non, parce qu'on pouvait pas se contenter d'Aristote, c'est pas possible, puisque donc il y avait la révélation, donc qui avait été travaillée, qui était devenue conceptuelle entre temps, et donc il fallait accorder transcendance et immanence, puisque Aristote c'est vraiment une pensée de l'immanence. Et sinon, la religion ne pouvait pas parler du réel. C'est un peu comme ce qui s'est passé avec Hegel et la philosophie. Il fallait revenir au réel, au concret. Donc ça a eu lieu. Et alors après, avec les faits, évidemment, que du coup, ça a permis, s'il y a un Dieu qui garantit la vérité de ce qu'on peut dire, ça a permis la science, qui ensuite, la théologie, n'était plus nécessaire du point de vue scientifique. Et ce qui fait qu'on est dans les problèmes contemporains, rapport foi, savoir, etc., qui sont... Benoît XVI a été au plus... Mais c'est un mariage de raison, pourrait-on dire, avec Benoît XVI, d'ailleurs. Oui. C'est un mariage de raison qui a changé la face de l'Occident. Alors, qui n'aurait pas forcément dû avoir lieu, d'ailleurs. Alors, on aurait pu imaginer que l'Église se développa complètement de ça. Exactement. Et là, je veux dire, c'est même... Et là, on rejoint les questions hyper contemporaines, c'est-à-dire que c'est ce mariage qui a permis la science contemporaine. Qui a permis, parce que, donc, avec l'idée d'incarnation, c'est-à-dire que le monde... il y a du divin dans le monde. Et donc, il faut le chercher, mais il n'est pas visible. Donc, on ne peut pas se contenter de le contempler. C'est pour ça qui a amené à se séparer d'Aristote, justement, d'aller plus loin. L'idée chrétienne, c'est ça qui a permis, les sciences modernes. Même le pauvre Galilée, ça a été commencé, il n'a pas été très, très boosté, comme on dit, par l'Église, moins qu'on peut dire. Mais c'est cette idée-là. On trouve le divin caché dans les choses. Et ça a permis la science contemporaine. Alors, faut imaginer, c'est capital pour nous, c'est-à-dire que dans les pays musulmans, qui sont des Grecs, l'interdiction de la musique, des images, c'est du Platon. Dire que, bon, ah, ça vient de là, ça vient pas. C'est du Platon, c'est du néoplatonisme, donc c'est pas une chose locale. Donc, et c'est eux qui nous ont transmis Aristote, etc. Donc, Platon et Daesh, même combat. Pas même combat, parce que Platon était quand même, savait faire de la très très grande poésie malgré tout. Je veux dire, l'iconoclasme vient de là, de certaine manière. Alors après, ça peut donner des dérives absurdes, bon, comme on voit avec Daesh. Bon, mais je veux dire, dans la culture musulmane, on n'a pas vécu cette histoire donc chrétienne qui a permis la science. Or, la science devient universelle. Et donc la science est en contradiction, pas qu'il soit pas capable de science, ce serait surtout pas dire ça, parce qu'il y a des très grands scientifiques dans les universités, enfin maintenant c'est mondial, et donc aussi des pays arabes, mais je veux dire, c'est notre culture qui a produit la science. Donc nous on peut se dire aliéné par la science, ce qui est vrai, qui est menaçante, mais je veux dire, c'est issu de notre histoire, alors que c'est pas le cas dans d'autres cultures. Et ça crée des tensions, des contradictions, des crises identitaires gigantesques. Et ça, faut bien le voir. Quoi. On voit que tous ces débats, le grec, le latin, nous amènent en fait à des considérations hyper contemporaines. Je crois ma condition de lire, il faut lire un peu de Platon, c'est pas si difficile, un peu d'Aristote, et ça peut se faire en classe, et de manière expérimentale, pédagogique, pratique, comme on aime dire maintenant. Vous enseignez, vous, à des collégiens? Non, moi, vous je... Fait, ou je, oulala, je il y a fait, des associations qui pallient les défaillances actuelles. Alors, il y a beaucoup de... C'est vrai, beaucoup les professeurs de langues anciennes se mobilisent. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas assez de passerelles entre les différents niveaux, types d'enseignement, plutôt. Et ça, c'est un vrai dommage. Moi, ça m'est arrivé d'aller enseigner en lycée, d'aller faire quelques cours. Là, je vais enseigner en maternelle. Là, je veux dire, donc on m'a demandé de raconter Achille et Ulysse, donc les deux opposés. Bon, on verra ce que ça va donner. Mais je veux dire que là, c'est plus de l'ordre du conte, quoi. Mais je crois qu'on pourrait. Mais pourquoi pas après tout Ça pourrait se faire, et que c'est mon avis que comme nous sommes des chercheurs payés par l'État, ce serait de notre devoir d'aller un peu, ne pas parler seulement à nos doctorants. Merci beaucoup Pierre Judet de Lacombe d'avoir été avec nous ce matin, helléniste, directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales et l'avenir des anciens aux éditions Albin Michel. Osez lire les Grecs et les Latins. Le prétexte, c'était la semaine de la langue française, et on voit qu'à travers cette actualité-là, on touche à des considérations qui nous concernent tous. Merci d'être venu ce matin. À bientôt. Retrouvez le podcast de cette émission sur www.radionotredame.com. Merci.